الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. Nous avions entamé il y a deux semaines le chapitre des conditions de la prière. On avait cité jusqu'à présent cinq conditions de la prière, cinq parmi six. Donc les conditions de la prière sont au nombre de six. On en a déjà énuméré et expliqué cinq. Qui peut les citer? Les cinq premières. La première, c'est l'ilm bidukhuli al-waqt, la connaissance de l'heure, de l'entrée de l'heure. La deuxième, c'est taharatu min al-hadathayn. At-taharatu min al-hadathayn, c'est-à-dire la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand. Troisième. La troisième, c'est la purification de la vie, de l'endroit où on prie et du corps. La troisième condition, c'est la purification du corps, des vêtements et de l'endroit où l'on prie. Tout cela doit être pur. La quatrième. La niya. Non. C'est pas ce qu'on a cité jusqu'à présent. Istiqbal al-Qibla, c'est la cinquième. Istiqbal al-Qibla, donc c'est de se diriger vers la direction de la Mecque. Ça, c'est la cinquième condition. Et la quatrième, Satru al-Awra, de couvrir sa awra, de couvrir les parties à cacher. Et la semaine dernière, on avait fini de parler de Satru al-Awra, de cacher les parties. On avait parlé de la awra de la femme dans la prière. Qu'est-ce que la femme devait couvrir durant sa prière? Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Qui peut me répondre? Khalid. Non. Ahsan. Donc on avait cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah lorsqu'il expliquait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allah salata ha'idin illa bi khimar, qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sauf avec un khimar. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu sur les autres parties. Il s'est tu sur le visage, sur les mains et sur les pieds. Et il en a déduit que cela a été autorisé, mais que le préférable et le plus sûr, le plus sécurisant, c'était pour la femme de couvrir ses mains et ses pieds durant la prière. On avait aussi cité l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est un avis très fort, qui dit que la femme, il lui est autorisé de se découvrir le visage et les mains, mais par contre qu'elle devait couvrir ses pieds. Et il utilise pour cela le athar de Salama radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annaha kana tusalli bi dhir'in wa khimar wa kana dhir'uha yasturu qadamiha, zahira qadamiha. Salama radiallahu anha priait avec un vêtement al-dhir', qu'on avait dit c'était l'équivalent d'une tunique, et al-khimar, donc une étoffe par laquelle elle recouvrait sa tête, et que sa tunique recouvrait le dessus de ses pieds. Cheikh Al-Albani rahimahullah en a déduit que la femme doit couvrir ses pieds durant sa prière. Et les savants en général disent que le préférable pour la femme, c'est de couvrir ce qu'elle peut, de couvrir les mains si possible et les pieds également. Quant au visage, ils sont quasiment unanimes sur le fait qu'il lui est autorisé, qu'il est autorisé à la femme de prier le visage découvert. Concernant Satrul Aura, une question qui avait été posée il y a deux semaines, auquel je n'avais pas répondu, quel est le jugement sur le fait de prier avec un pantalon? Donc les savants condamnent ce fait, condamnent qu'un musulman prie avec un pantalon, et disent « ala al-aqal fahuwa makruh ». Ils disent que c'est détestable au minimum, et au pire c'est interdit. C'est comme Cheikh Al-Albani le dit, karahat al-tahrim, que c'est détestable, mais que cet état, le fait qu'il soit, il est détestable et approche l'interdiction. Pourquoi? Car le musulman qui prie avec un pantalon, c'est parti, on voit la forme, on voit les formes de la partie. Un homme qui fait un sujoud, on va voir apparaître les formes de son postérieur et d'entre ses jambes, etc., etc. Et cela n'est pas approprié pour les musulmans. Au contraire, lorsqu'il prie devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'apprête à faire sa prière, il doit être le plus présentable et le plus pudique possible. Or, de prier avec un pantalon, sauf si c'est un pantalon large bien sûr, comme les pantalons, ce qui est connu sous le nom des pantalons turcs, qui sont extrêmement larges et qui, quelle que soit la posture de la personne, ne laisse pas apparaître les formes de la aura. Donc hormis ces pantalons très larges, il n'est pas permis aux musulmans de prier avec un pantalon. Il doit prendre une étoffe, un bout de tissu ou un qamis, mettre un qamis pour couvrir ses parties, ou à défaut de prendre un tissu et en faire un ézar, en faire couvrir la partie basse de son corps. Ça c'est le minimum que doit faire le musulman. Et alhamdoulilah, dans toutes les mosquées maintenant, vous trouvez toujours des promos qui sont accrochés au mur et qui sont entre guillemets en libre service. Donc à notre époque, sauf dans des cas bien définis, la personne n'est pas excusée de prier avec un pantalon. Et quant à la validité de la prière, les savants sont d'accord sur le fait que malgré qu'il fasse quelque chose de très détestable, cela n'influe pas sur l'authenticité et sur la validité de sa prière. Comme cela est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de Cheikh Ibn Taymin, rahimahullah al-jami', ils disent que malgré que cela soit interdit, et que les musulmans en faisant cela a fait une grave erreur, sa prière reste néanmoins valide. Et la cinquième condition de la prière, c'est istiqbal al-qibla, de se diriger vers la qibla. On avait parlé de ce sujet la semaine dernière. Quelle est la preuve dans le Coran qu'il est obligatoire de se diriger vers la qibla? Non. Ahsant. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle à son envoyé alayhi salatu wassalam, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle à son envoyé et lui dit: nous voyons tes détournements, le fait que tu regardes à droite et à gauche et que tu regardes le ciel. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela à son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il priait en direction de Bayt al-Maqdis, en direction de Jérusalem, de la mosquée de Jérusalem. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il prié à Médine en direction de Jérusalem? Qui connaît la réponse? Les savants disent que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a prié 1 an et 7 mois. Autrement dit 19 mois. D'autres savants ont dit 1 an et 4 mois. À la Kulli Hal, plus de 1 an et à peu près 1 an et demi. Donc le prophète alayhi sallam a prié une longue période en se dirigeant vers Bayt al-Maqdis, vers la mosquée de Jérusalem. Et ce fait, le prophète sallallahu alayhi sallam n'était pas apaisé sur le fait de prier en direction de Bayt al-Maqdis. Et il regardait souvent le ciel à droite, à gauche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a dit « Qadna ra taqalluba wajhika fis sama » Nous voyons ta tête tournée vers le ciel. Et les savants ont déduit de ce verset, et parmi eux, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout de suite son trône. Car il dit « Qadna ra taqalluba wajhika fis sama » Nous voyons ta tête tournée vers le ciel. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit cela. Et les savants ont dit que ce verset est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ces créatures. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram » et « Dirige ton visage vers la direction de la mosquée sacrée de la Mecque. »« Wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra » et « Où que vous soyez, tournez-vous vers cette direction. » C'est-à-dire la direction de la Mecque. Non. Et les savants, comme Ibn Uthaymin, rahimallah, disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à la Mecque, il ne se dirigeait pas vers Bayt al-Maqdis. Il se dirigeait vers la Kaaba. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti à Médine, il a vu les Juifs prier en direction de Bayt al-Maqdis. C'est pour cela qu'il a prié dans cette direction. En attendant la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est l'avis le plus fort, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à la Mecque, il ne priait pas en direction de Bayt al-Maqdis. Et c'est ce qu'a soutenu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Fatawa. Il dit que le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il priait à la Mecque, il priait en direction de la Kaaba. Et que c'était la sunna de tous les envoyés, de tous les prophètes et envoyés, ils se dirigeaient tous vers la direction de la Mecque lorsqu'ils faisaient leur prière. Et le fait de se diriger vers la direction de Jérusalem, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit wa hadha min tahrif al-yahoud, que cela fait partie des falsifications des juifs, que les juifs ont falsifié leur texte et au lieu de se diriger vers la Mecque, ils se sont dirigés vers Bayt al-Maqdis. Et cela est connu du peuple juif qu'il modifie les textes divins, et entre autres la Torah. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a soutenu cela en apportant les preuves, bien évidemment. Taïb, celui qui, les savants donnent des précisions lorsqu'ils parlent de se diriger vers la Qibla. Ils disent qu'une personne qui est en face de la Kaaba, il doit se diriger en face. Il doit prier avec la Kaaba en face de lui. Elle ne doit pas être décalée. Elle doit être absolument en face de lui, lorsqu'il la voit. Et plus la personne s'éloigne de la Kaaba et de la Mecque, et plus la direction s'étend. Plus la direction devient grande. Plus il y a de la facilité. Et plus tu te rapproches de la Mecque, plus tu te rapproches de la mosquée, et plus tu te rapproches de la Kaaba, et plus la direction devient restreinte. D'accord ? Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à Médine, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons ? Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons, lorsqu'il était à Médine, entre l'Est et l'Ouest, c'est la Qibla. Médine se situe au nord de la Mecque. Médine se situe au nord de la Mecque. Donc, ceux qui étaient à Médine devaient se diriger vers le sud. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit « Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla » Entre l'Est et l'Ouest, c'est la Qibla. Autrement dit, toute cette partie entre l'Est et l'Ouest fait partie de la Qibla pour ceux qui sont éloignés de la Mecque. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce hadith lorsqu'il était à Médine. Mais prenons l'exemple d'une personne qui est en Égypte. Qu'est-ce qu'on lui dit au niveau de sa Qibla ? Hein ? Sa Qibla, elle est à l'Est. Et si on veut appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghrib al-Qibla, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont en Égypte ? Entre le nord et le sud. Ma bayna al-shamal ou al-janou qibla. Donc il ne faut pas prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'appliquer à tous les coins de la terre. Non, cela c'est pour ceux qui ont la qibla au sud ou au nord. Ceux qui sont au Yémen, leur qibla est au nord. D'accord ? Et même pour eux, pour ceux du Yémen, le hadith du professeur sallam, ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla, entre l'est et l'ouest de la qibla, il s'applique aussi aux gens du Yémen. Et ainsi de suite. Et pour nous qui sommes en France, la qibla est au sud-est. Quelle est, si on va appliquer le hadith du professeur sallam, c'est entre eux, entre le nord-ouest, entre le nord-est, Hassan, entre le nord-est et le sud-ouest. Donc ça, c'est la qibla. Et comment comprendre ce hadith du prophète alayhi sallatou wassalam, ma bayna al-mashriqi wa al-maghribi qibla? Les savants disent, celui qui connaît la direction de la qibla, soit par une boussole ou soit par ses repères, il lui est obligatoire de prier vers cette direction. À partir du moment où tu connais la direction bien précise de la qibla, tu te dois de prier vers cette direction. Mais si tu ne sais pas, par exemple une personne qui ne sait pas où se trouve le sud-est et qui prie vers le sud, d'accord ? Et ensuite il s'est rendu compte que la qibla c'était le sud-est, mais c'était pas le sud. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas la prière. Pourquoi ? Parce qu'il a prié vers la qibla. Car la qibla pour nous c'est entre le nord-est et le sud-est et le sud-ouest. Non. Entre le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez saisi? Donc cela est une facilité. Les savants disent que ce hadith c'est une facilité d'Allah Azza wa Jal envers sa communauté. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a quelques questions qui ont été posées qui sont importantes que je vais vous dire. Est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un imam? هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يتجه إلى القبلة مع علمه بذلك? Est-ce qu'il est autorisé de prier derrière un imam qui ne se dirige pas vers la qibla tout en sachant sa direction? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu par le hadith du professeur sallam, ma bayna al-mashriqi wal maghribi qibla, hadha al-hadith fi man la yara al-ka'ba fatakfi al-jiha. Le professeur sallam a dit, entre l'est et l'ouest c'est une qibla, c'est la qibla. Ce hadith concerne ceux qui ne voient pas la Kaaba, la direction suffit. Amma man shahadaha bi'aynihi aw bil-'ilm min 'indihi هو يؤمن بذلك وأن جهة القبلة هي هي ومع ذلك ينحرف عنها فهذا صلاته باطلة ولا ينبغي أن يصلي وراءه ما دام أنه معاند. Et quant à celui qui voit la Kaaba, ou à celui, quant à celui qui connaît la direction et qui croit que c'est bel et bien la vraie direction, et malgré cela s'en détourne, sa prière est annulée, sa prière est nulle, elle n'est pas valide. Et il n'est pas permis de prier derrière cet imam tant qu'il est dans cet état d'ostentation. Tant que cet imam prie dans une direction autre que la qibla, alors qu'il en connaît très bien la vraie direction, il n'est pas permis de prier derrière lui tant qu'il est dans cet état d'ostentation et de non-acceptation de la vérité. Il a été aussi posé la question à Cheikh Al-Albani rahimahullah, هل يجب أخذ البصولة في السفر لتحديد القبلة لمن يجهل كيفية تحديدها? Est-ce qu'il est obligatoire de se munir d'une boussole lorsque l'on est en voyage pour connaître la direction de la qibla pour celui qui ne connaît pas les façons de la repérer? Et Cheikh rahimahullah a dit na'am yajib. Il a dit oui, il est obligatoire. Donc il est obligatoire pour celui qui sait qu'il va aller en voyage et qui sait qu'en voyage il n'aura aucun moyen de se repérer, de connaître la qibla, il lui est obligatoire de se munir d'une boussole pour pouvoir prier en direction de la qibla. Et on avait cité la semaine dernière les cas dans lesquels il est permis de ne pas se diriger vers la qibla. Quels sont-ils? Non, Moustapha. C'est Safa? على الراحلة في النوافل. Donc en voyage sur une monture pour des prières surérogatoire. Donc il est autorisé au voyageur, donc il n'est pas autorisé pour autre que le voyageur, de prier sur une monture, c'est-à-dire s'il n'est pas sur une monture, il ne lui est pas autorisé de ne pas se diriger vers la Qibla, et également de que ce soit une prière surérogatoire et non obligatoire. Et le deuxième cas, c'est en cas de peur. En cas de peur, on avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous avez peur, priez alors en marchant ou sur une monture. Donc cela est propre à la prière de la peur. طيب. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier en dehors de la direction de la Qibla, sur une monture, en voyage et pour une prière surérogatoire? Quelle preuve on avait cité? Naam. Hadith ibn Omar. Naam. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la subha, faisait al-nafila, on avait dit que subha c'était al-nafila, كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه, et quelle que soit la direction que prenait cette monture. وكان يوتر عليها, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également al-witr par-dessus. Et ensuite Ibn Umar radiallahu anhu a dit غير أنه كان لا يصلي المكتوبة, sauf qu'il ne priez pas les prières obligatoires. Donc les savants ont dit que celui qui veut faire comme cela, il doit être voyageur, il doit prier sur une monture et il doit faire une prière surérogatoire. Et il y a l'autre hadith de Anas radiallahu anhu qui vient spécifier ce hadith où Anas radiallahu anhu dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل بناقته القبلة, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait faire une prière surérogatoire, il dirigeait sa monture vers la Qibla. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est préférable de se diriger vers la Qibla au début et ensuite de prier quelle que soit la direction que prendra sa monture. Donc il est préférable pour celui qui veut faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut, de, avant de prier, de diriger la monture vers la Qibla, de faire takbirat al-ihram et ensuite de laisser la monture se diriger là où elle le voudra. طيب الشرط الثالث السادس النية يقول المؤلف النية وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعين ويعينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر ou sunnatihima mathalan. Donc la sixième condition, c'est l'intention. Et l'intention, c'est-à-dire d'avoir l'intention de prier et de spécifier cette prière dans son cœur. Comme par exemple, de prier l'obligatoire de Dhuhr, la prière obligatoire de Dhuhr ou de l'Asr, ou par exemple leur sunan, les rak'at, les deux rak'at qu'on fait avant Abdohar ou avant Al-Asr. Donc l'intention, elle se trouve, elle réside dans le cœur. وَلَا يُشْرَعُ التَّلَفُظُ بِهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتَلَفَظُ بِهَا. Et il n'est pas légiféré de prononcer cette intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé, c'est-à-dire avec sa langue. Il faut la préciser avec son cœur, mais ne pas la prononcer avec sa langue. وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا قَبْلَهَا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait prier, il se levait et disait Allahu Akbar. Il disait Allahu Akbar sans dire quoi que ce soit avant. وَلَا يَلْفَظُ بِالنِّيَّةِ أَلْبَتَّةِ. Et le prophète عليه الصلاة والسلام n'a jamais prononcé l'intention. وَلَا قَالَ أُصَلِّ لِلَّهِ صَلَاةَ كَدَا. Il n'a jamais dit je prie pour Allah telle prière. مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ, en me dirigeant vers la Qibla. 4 raka'at, 4 raka'at imaman, 4 rak'at en tant que imam ou en tant que ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam. Il n'a jamais dit aussi ada'an, c'est-à-dire un rattrapage, ou la qada, c'est-à-dire le fait de faire la prière, de s'acquitter de la prière, ni si c'est un rattrapage, ou la fardu, ou la furid al-waqt, ou hadihi ashr bid'ah, ou la fardu al-waqt, ni l'obligation de l'heure, c'est-à-dire la prière obligatoire qui doit être accomplie à l'heure bien précise. وهذه عشر بدع et ceci sont 10 innovations. لم ينقل عن أحد قط qui n'ont jamais été rapporté par qui que ce soit بإسناد صحيح ولا ضعيف, que ce soit à travers une chaîne de transmission authentique ou faible, ولا مسند ولا مرسل, ni une chaîne de transmission مسندة ولا مرسلة. Qui connaît la différence entre les deux? Qui connaît la définition du hadith al-musnad et le hadith al-mursal? Non? Mursal, c'est un sahabi qui monte dans la chaîne de transmission. Wa mursalun ma minhu al-sahabi wa saqat. Et al-musnad? Al-musnad, al-hadith al-musnad, c'est un hadith où tous les rapporteurs sont présents. De celui qui rapporte le hadith jusqu'au compagnon du prophète alayhi sallam, tous les rapporteurs sont présents et il ne manque personne. Contrairement à le hadith al-mursal, lorsque vous entendez le hadith al-mursal, c'est lorsque le compagnon ne fait pas partie de la chaîne de transmission. Lorsque c'est un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi sallam. Ça c'est un hadith mursal. Un tabi'i ne peut pas rapporter directement du prophète sallallahu alayhi sallam. Pourquoi? Car il ne l'a pas vu. Et al-hadith al-mursal entre dans le cadre de al-hadith al-da'if, fait partie des hadiths faibles. Et donc, ici, le cheikh dit, il rapporte en fait la parole de l'imam al-Qayyim, rahimahullah, qui dit que tout cela, toutes les innovations qu'il a citées, le fait de dire je prie pour Allah, telle prière, 4 rak'at en tant qu'imam ou en tant que ma'moum, en me dirigeant vers la qibla, c'est une prière que je fais à son heure, c'est une prière que je rattrape, tout cela n'a aucune source dans la religion, n'a jamais été rapporté, même dans un hadith faible. Ou lam yanqul an ahadin qat bi isnadin sahih wala da'if wala musnad wala mursal lafdatun wahida minha albatta. Il n'a jamais été rapporté ne serait-ce qu'un mot de ce que l'on a cité. Wala an ahadin min as-sahaba, ni cela n'a été rapporté par cela n'a pas été rapporté par les compagnons également. Wala istahsanahu ahad min at-tabi'in, et aucun des tabi'in n'a jugé cela bon. Wala al-a'immah al-arba'a, de même que les quatre imams, aucun d'eux n'a dit ou n'a jugé bon le fait de prononcer la niyya, l'intention, avec sa langue. Donc là vous avez la preuve claire et précise sur le fait que de prononcer la niyya, de prononcer l'intention, est une innovation dans la religion. Et comme disent les savants, لو كان خيرا لسبقونا إليه, si c'était un bien, les compagnons du prophète alayhi sallam nous y auraient précédé, nous auraient précédé à cela. Et donc là la condition, l'intention est une condition de la prière. Qu'en est-il sur le fait de changer d'intention durant sa prière? Est-ce qu'une personne a le droit de changer son intention pendant sa prière? Qui connaît la réponse? Non. Non, mutlaqan? Non, non toujours, ou il y a des cas où on peut? Les savants disent min mu'ayyan ila mu'ayyan wa min mutlaq ila mu'ayyan fa hada la yajuz. C'est-à-dire de changer d'intention. On va prendre l'exemple d'une prière. Les savants disent mu'ayyan, c'est-à-dire une prière bien précise. On prend l'exemple de par exemple sunnat al-fajr. Les deux rak'at avant salat al-subh. Les deux ratibat al-fajr. Sunnat ratibat al-fajr. C'est une prière qui est surérogatoire. Elle est précise. C'est d'accord avec moi qu'elle est précise. c'est bien la prière de Fajr. Supposons qu'une personne prie Sunnat al-Fajr, commence à prier Sunnat al-Fajr après Takbirat al-Ihram, et se dit non, en fin de compte, je vais faire les deux raka'at de l'Wudu. Les deux raka'at de l'Wudu, c'est une prière qui est mu'ayyana aussi, qui est précise. D'accord ? Les savants disent non, là il n'était pas autorisé. Car tu passes d'une prière précise, de l'intention d'une prière précise, vers une prière précise. Or, avant de faire une prière précise, il faut d'abord avoir l'intention avant. Donc cela n'est pas légiféré. Vous avez compris ? De même qu'ils disent « La yajouz min mutlaq ila mu'ayyan » qui n'est pas permis également vers une prière purement surérogatoire, vers une prière précise. Par exemple, une personne qui prie chez elle, elle se dit je vais faire deux raka'at fi sabilillah. Il n'y a aucune raison, sauf que je le fais de mon propre gré. Il dit Allahu Akbar, donc son intention c'était de faire une prière purement surérogatoire. Et pendant ce prière, il dit je viens de faire l'odo, autant changer mon intention et prier cette prière avec l'intention que c'est les deux raka'at que l'on fait après les ablutions. Donc là, il veut passer d'une prière qui est purement surrogatoire vers une prière précise. Là, les savants disent la yajouz. Il n'est pas autorisé. Pourquoi ? Car s'il voulait faire la prière précise, il aurait dû avoir l'intention avant. Et ils disent amma min mu'ayyanin ila mutlaq fa hada jaiz. Et d'une prière précise à une prière purement surrogatoire, cela est autorisé. Une personne qui rentre dans la mosquée, on prend toujours l'exemple de Sunnat al-Fajr, qui prie Sunnat al-Fajr après Takbirat al-Ihram, et il se rend compte qu'il a déjà fait Sunnat al-Fajr chez lui. Il se dit, je vais changer mon intention, et je vais prier, je vais changer mon intention, et je vais prier une prière purement surérogatoire. Là, les savants disent que cela est autorisé. Non. Mais dans ce cas-là, c'est la même chose. Pourquoi la même chose ? Parce qu'on n'a pas le droit de faire. Après l'adhan, on fait que Sunnat al-Fajr. Là, l'adhan. Après l'adhan, on fait Sunnat al-Fajr ? Non. Non, sahih. C'est un mauvais exemple. Une personne qui rentre, je ne sais pas, par exemple, dans une autre horaire, une horaire où il est autorisé des prières saintes. Voilà que l'Afrique d'avoir repris sur ce point. Donc ce qu'il faut retenir, c'est d'une prière précise vers une prière précise, cela est interdit. D'une prière purement surérogatoire vers une prière précise, cela est interdit. Et d'une prière précise vers une prière purement surérogatoire, cela est autorisé. Quant à celui, par exemple, qui prie Salat al-Fajr, la prière obligatoire de Fajr ou de Subh, on avait dit que les deux appellations étaient valides. Et pendant sa prière, il se rend compte qu'il avait déjà fait al-Fajr, il a déjà fait sa prière. Qu'est-ce qu'il fait ? Non ? Là, c'est une prière précise. Il met en surrogatoire. Les savants disent qu'il n'est pas besoin de mettre en surrogatoire. Pourquoi ? Car elle passe automatiquement en surérogatoire. Car le prophète salam, a interdit de faire une prière obligatoire deux fois par jour. Il a interdit pour le musulman de faire la prière de Subh deux fois ou de faire le Maghrib deux fois. Les prières obligatoires ne se font qu'une seule fois dans la journée. Donc une personne qui a déjà prié le Fajr, automatiquement, son acte, il passe en surrogateur, comme cela est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Non. Allahu a'lam, akhi. Allahu a'lam. Est-ce que ça rentre aussi dans ta mu'ayyan ila mutlaq? Ça rentre de min mu'ayyan ila mutlaq. Min mu'ayyan ila mutlaq, si. Si, il peut faire ça, non. Il peut faire ça. Mais sur l'exemple de le Fajr qu'il a déjà fait, les savants disent en fait que cela est autorisé de changer d'intention, mais que c'est inutile parce que l'intention est automatiquement changée. Cheikh Al-Albani, il n'a même pas besoin de le faire, même s'il le fait là droit, car il passe d'une prière précise vers une prière purement surrogatoire. Mais il n'a pas besoin de le faire car c'est automatique. Tayyib. Maintenant, une personne qui veut prier avec deux intentions, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Non, ça dépend de quoi? Non, ça dépend. Il n'y a pas des intentions pour un acte. Non. Une cassette de qui? D'un cher. Cher Bajmoul. Non. Il est autorisé, cela est autorisé dans les prières surérogatoires, ou dans les jeûnes surérogatoires, ou dans les jeûnes surérogatoires. Pourquoi? Les savants ont donné l'exemple, par exemple, d'une personne qui doit rattraper un jour du Ramadan. D'accord? Et il le rattrape, il veut le rattraper un lundi. Donc lui, il rattrape son jour, et en même temps, il a l'intention de jeûner le jeudi pour avoir la récompense du jeûne de lundi. Et il veut aussi avoir la récompense du jeûne de lundi. Là, les savants disent qu'il a la récompense. De l'ajr, la récompense de la niya, et la récompense de la niya de rattraper son jeûne et de l'avoir fait. En tout, il a trois récompenses. Il a trois récompenses. Et ils utilisent le hadith ou le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et wa idha hamma 'abdi bi hasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasana. Et si mon serviteur a l'intention de faire une bonne action sans la faire, il lui est comptabilisé une bonne action. Ils utilisent ce hadith Qudsi authentique pour prouver qu'il est autorisé de faire un acte avec deux intentions, à condition que ce soit deux actes surérogatoires ou bien un acte surérogatoire et un acte obligatoire, mais pas deux actes obligatoires. Tu ne peux pas, par exemple, faire la prière de Dhuha et dire, par exemple, si tu es voyageur, je vais faire Dhuha Ka'at et je vais faire l'intention de Dhuha et de l'Asr. Là, on lui dit stop, c'est interdit. Pourquoi? Car tu veux rassembler l'intention de deux choses obligatoires, cela n'est pas autorisé. Non. Par exemple, non. Pour celui qui est en janaba le vendredi, est-ce qu'il lui suffit de faire un lavage avec les deux intentions, l'intention de la janaba et l'intention du lavage de vendredi, ou est-ce qu'il doit faire deux lavages? On avait déjà parlé de ce sujet. On avait dit tout dépend de l'avis que tu as pris concernant le lavage du vendredi. Car on avait vu que la plupart des savants ont dit que le lavage du vendredi était préférable et non obligatoire. Mais que l'avis le plus sûr, bi'idhnillah, c'est que le lavage du vendredi est obligatoire. Donc si tu considères que le lavage est surérogatoire, tu peux faire un lavage avec deux intentions. Car tu auras l'intention de janaba qui est obligatoire et l'intention du vendredi qui est surérogatoire, si tu considères que c'est surérogatoire. Mais si tu considères que le lavage du vendredi est obligatoire, tu dois obligatoirement faire deux lavages bien distincts. Le lavage de la janaba et le lavage du vendredi. Non. Hein? Par exemple, le matin, on arrive à la mosquée juste avant ça. Et en fait, on a juste le temps de faire deux. Est-ce qu'on peut mettre la niya de faire deux et Non. Les savants disent qu'une personne qui rentre, comme le dit Cheikh Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres, une personne qui rentre, par exemple, à la mosquée et qui a fait ses ablutions. Il n'avait pas ses ablutions en entrant à la mosquée. Il rentre dans la mosquée, il fait ses ablutions. Et ensuite fait deux raka'at avec l'intention de prier les deux raka'at après les ablutions. Et pas l'intention de tahiyat al-masjid. Les savants ont dit, lui, il rentre dans le hadith du prophète, qu'il ne s'assied pas jusqu'à ce qu'il prie deux rak'at. Mais cette personne, est-ce qu'elle a prié deux rak'at ou pas? Non. Elle les a priées. Donc, ça, elle entre dans les hadiths, donc il lui est autorisé de s'asseoir, même si elle n'a pas eu l'intention que c'était tahiyyat al-masjid. Non. Car le principal, c'est de faire deux rak'at. Le principal, c'est de faire deux rak'at, que tu aies l'intention de le faire avec tahiyyat al-masjid ou non, ou autre. C'est clair? Pas mieux. Donc, sur la niyyah, je pense que. Hein? Et si on rentre dans la mosquée, on fait une salat wajiba, de, par exemple, 2, 4 rakat, et est-ce qu'on doit refaire 2 rakat avant de s'asseoir ou... Non, pareil. Là, tu en as fait 4, on en a fait plus. Non, c'est bon. Non, non, quand tu rentres, quand tu rentres, tu fais la prière obligatoire directement, tu peux t'asseoir. Sur la mosquée de la niyyah, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, quand il prie la Isha pour le salam, il allait vers son peuple, la niyyah. Il faisait salat al-Isha avec eux. Ça rentre dans le cadre de Mu'ayyan et la Mutlaq, c'est ça? Ça rentre dans le cadre de Mu'ayyan et la Mutlaq. Non, parce que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il priait derrière le prophète, alayhi salam, la prière obligatoire. Et ensuite, il allait vers son peuple et faisait une prière qui pour lui était surérogatoire. Mais là, c'est pas, l'attention n'a pas changé pendant la prière. Là, ce sont deux prières bien distinctes. Là, on parle de changer d'intention pendant la prière. Asna al-Salah. J'ai une question à toi. Pour celui qui est en sympa, d'ailleurs, tu as dit pour celui qui est en sympa, il y a juste de prier sur Rahila quand c'est Salat Sunnah. Non. Et si par exemple, il n'est pas en sympa? Parce que là, il ne parle plus quand il est en sympa. Ouais, on a dit s'il n'est pas en sympa, il ne lui est pas autorisé. Ah ouais, je parle. S'il est en safar, il ne lui est pas autorisé de prier en dehors de la Qibla. On a bien dit que c'est une personne qui est en voyage. Il est autorisé de prier assis une prière surrogatoire. Quand tu n'es pas en voyage, mais tu dois te diriger vers la Qibla. Et quand tu es en voyage, il t'est autorisé de prier un nafila sur ta monture et de ne pas te diriger vers la Qibla. Plus de questions? Merci à vous. Hein? Quand dans mon cuisine, on pouvait prier au moment où tu avais la peur, on pouvait marcher et prier en même temps. Bah, la peur, on avait parlé de la prière de la peur dans Hadith Jibril. La prière de la peur, ça peut être la prière pendant le combat. Ou ça peut être la prière en cas de peur. Si par exemple tu as peur pour ta vie, que tu es poursuivi par quelqu'un ou par quelque chose, dans ce cas-là, il t'est autorisé de prier dans l'état où tu es et de prier quelle que soit la direction où tu te trouves. C'est pour ça qu'on a dit prier en marchant ou sur une monture. Et en marchant, ça, faut comprendre que tu n'as pas à faire ce jour. Bah tu fais le ima. Non. Et souvent on dit que tu fais le ima, que tu fais des mouvements de la tête. On parlait de comment reconnaître la Qibla. Je connais pas, on avait parlé ça la semaine dernière, qui peut lui répondre de comment retrouver la Qibla? Il y a combien de moyens pour retrouver la Qibla? Il y en a trois. On avait dit il y avait le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, on avait dit qu'il se levait à l'est, se couchait à l'ouest, donc on en déduisait le nord et le sud, donc on en déduisait la Qibla en fonction de l'endroit où se trouve la personne. Et on avait dit qu'il fallait faire attention, car selon les saisons, le soleil ne se lève pas exactement à l'est, mais il tend plus vers le sud. Quant à la lune, on avait dit que la lune, c'était pareil que le soleil, que la lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et pour les étoiles, qu'est-ce qu'on avait dit? Le but, c'était de trouver l'étoile polaire, car elle se trouve au nord. Elle se trouve sur le pôle nord. Et l'étoile polaire, c'est une étoile qui est quasiment fixe. Elle ne bouge pas dans le ciel. Contrairement aux autres étoiles, elle bouge. Comme la lune, comme le soleil, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est pareil pour les étoiles. Les étoiles, elles sont en mouvement dans le ciel, elles ne sont pas stables. Hormis l'étoile polaire. Pourquoi? Car elle est au pôle nord. Et elle se déplace, mais très très lentement. et c'est quasiment invisible à l'œil nu. C'est quasiment invisible à l'œil nu, et si elle se déplace, ce sera dans des milliers, des milliers, des milliers d'années. Donc l'étoile polaire, si tu la trouves, tu as trouvé le nord. Et si tu as trouvé le nord, tu as trouvé le sud, l'est et l'ouest, et tu peux en déduire la direction de la Qibla en fonction du pays et de l'endroit où tu es. Et comment reconnaître l'étoile polaire? Comment la connaître? Comment la repérer? J'ai repéré la grande ours. Et dans la grande ours, voir les deux étoiles qui sont en bas, les plus illuminées, et ensuite suivre ces deux, le trait de ces deux étoiles, et de multiplier la distance par 5, et ensuite on arrive sur l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, pour être sûr que c'est bien celle-ci, c'est la dernière étoile de la petite ours. Donc on avait dit la grande ours était comme une grande casserole, et donc ça fait comme ça, un trait comme ça, avec un rectangle. Un temps qui est oblique comme ça. Donc les deux étoiles les plus illuminées, ce sont celles-ci. On va calculer 5 fois cette distance. Et on arrive sur l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est la dernière de la petite ours. L'étoile polaire, c'est la dernière de la petite ours. Et dès que tu as trouvé cette étoile, tu as trouvé le nord. Et donc tu peux en déduire la direction de la Qibla. Taïb. Yaqul le Mu'allif. Donc là, on va passer sur... dans le chapitre de la description de la prière, c'est pas tout cela. Non. Il a amené lesquels? Non. Non, c'est des choses dans tout. C'est les trois conditions. Les savants disent qu'il y a encore trois autres conditions pour la prière. C'est d'être musulman et d'être saint d'esprit, de ne pas être majnoun et d'être balir. Et d'être pubère. Balir, quoi, il ne dit pas dans le shurut. Non. Et c'est à partir de ce moment où la prière elle est obligatoire. At-tamyiz. Non. Donc, ça, c'est des conditions qui sont valables dans tous les actes. Un acte ne peut pas être accepté, une adoration ne peut pas être acceptée, par exemple, par une personne non musulmane. Donc, ça, c'est des conditions qui sont toujours présentes. Mais là, lorsqu'on parle de la prière en l'occurrence, on cite les 6, car ce sont les 6 qui sont directement en rapport avec la prière. La description de la prière. Il a mis en annotation Moulakhasa min kitab Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Albani. Il dit que c'est un résumé qu'il a fait de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du livre intitulé La description de la prière du prophète alayhi wa sallam du Cheikh l'Albani rahimahullah. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde d'avoir. Alhamdulillah, il a été traduit en français dans sa totalité. Vous verrez deux traductions, une qui est interdite et l'autre qui est autorisée, une qui a les droits d'auteur et de traduction et l'autre qui ne l'a pas. Donc celle qu'il a, c'est l'édition de Al-Ma'arif. L'édition de Al-Ma'arif, c'est la seule qui a les droits de traduction. Toutes les autres ne l'ont pas. Donc si vous voulez acheter ce livre, demandez l'édition qui a les droits d'auteur et de traduction. قد يقول المؤلف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se levait pour prier, il se dirigeait vers la Qibla en se positionnant debout et en se rapprochant de sa sutra. Et la sutra, c'est l'obstacle que doit mettre le prieur en face de lui pour éviter à quiconque ou à quoi que ce soit de passer entre lui et cette sutra, de ne pas couper sa prière. Et les savants disent que certains savants disent que la sutra est obligatoire, d'autres disent qu'elle est surérogatoire, mais l'avis le plus sûr, inshallah, c'est que la sutra est obligatoire, que la sutra est obligatoire, et on verra les détails de tout cela par la suite, Inch'Allah. Donc, si tu veux prier, pense à mettre quelque chose devant toi. Pense à mettre un obstacle et ne laisse personne passer entre toi et cet obstacle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par leur intention et pour toute personne son intention. ولكل امرئ ما نوى. Et la personne n'aura que ce qu'elle a, que son intention. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait sa prière en disant Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a at-takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains avec le takbir. Donc là, la description que va donner l'auteur, c'est une description qu'on va essayer de citer sans rentrer dans les détails, sans expliquer toutes les possibilités et toutes les sunnahs en rapport avec cette prière, car cela, Inch'Allah, on l'expliquera par la suite. Là, on fait une brève description de la prière, et ensuite, par la suite, Inch'Allah, on donnera plus de détails. Je pense que là, le mieux, c'est que l'un d'entre vous se lève pour montrer, en même temps que je lis, comment faire pour que l'on puisse voir concrètement comment est-ce que la prière doit se dérouler. Qui se porte volontaire? Non, fais ça, fais ça. Ouais. Le mieux, c'est que tu te mettes là pour que tout le monde te voit. Le but, c'est qu'on voit. Et ça, c'est une sunna du prophète alayhi sallam, car le prophète sallallahu alayhi sallam enseignait à ses compagnons la prière sur le minbar. Et le prophète sallallahu alayhi sallam faisait sa prière, la vraie prière. Une fois, le prophète sallallahu alayhi sallam a prié sur le minbar, est monté sur le minbar, a fait rukou' sur le minbar, et lorsqu'il a voulu faire la prosternation, il est descendu, a fait sa prosternation, puis remonté et a fait sa prière ainsi de suite. Et les compagnons ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela pour enseigner à sa communauté comment faire la prière. Donc l'auteur a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en disant donc en se dirigeant vers la Qibla, en mettant une sutra devant soi et de dire Allahu Akbar et de lever les mains au moment du takbir. Mieux c'est que tu te mets en face pour que tout le monde te voit. Non. Le sutra, prends le sutra, prends la bouteille. Non, donc de faire le takbir en levant les mains. Donc il n'y a pas de niveau, juste lève les mains. Non, lève les mains. Allahu Akbar. Donc les mains, ici le l'auteur ne l'a pas dit, mais il faut que les paumes de la main soient dirigées vers la Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est levé de temps en temps au niveau des épaules. Non. Vas-y, fais-le. Donc de temps en temps au niveau des épaules et de temps en temps au niveau des oreilles et aussi entre les deux. Non, entre les deux. ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Non. Et beaucoup de personnes font l'erreur et comprennent فوق صدره, c'est-à-dire au-dessus de sa poitrine. Et beaucoup font l'erreur de mettre la main au-dessus de la poitrine. Non. فوق صدره يعني على صدره. ثم يرمي ببصره نحو الأرض. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait et jetait le regard par terre. ثم يستفتح القراءة ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en récitant des invocations qui étaient diverses et qui étaient multiples et diverses, qui étaient nombreuses et diversifiées, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam remerciait Allah subhanahu wa ta'ala, faisait ses éloges. Parmi ces invocations, là, il n'y a pas d'écart entre les mains. Parmi les invocations que le professeur Hassan faisait, de l'adayat istiftah, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الشيخ الألباني رحمه الله dans son livre صفة الصلاة a ramené une douzaine d'invocations que le prophète صلى الله عليه وسلم disait avant de commencer la lecture de Fatiha, après Takbirat al-Ihram et après la lecture de Fatiha. Et les savants disent que cette diversité, le musulman doit la faire revivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toutes ses invocations, et le meilleur, celui qui veut prier comme prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il essaye de changer souvent et d'essayer de dire toutes ses invocations au fur et à mesure de ses prières. De ne pas en dire 12 d'un coup, non, ni 2 d'un coup, mais à chaque fois de prendre une de ses invocations et de la réciter. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Puis il demandait la protection d'Allah contre le diable et il disait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ou dans une autre version أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام récitait la basmala, disait بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها, et ne la disait pas à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la disait à voix basse, comme les compagnons ont rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr et de Omar, en disant qu'il ne faisait pas al-jahar bil basmala. Et ceci, que ce soit dans une prière à voix haute comme pour une prière à voix basse. Non, non, aussi c'est la a'udhu billahi samil alim min shaitan rajim. ويجهر بها ويجهر لا عفوا ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lisait al-Fatiha et la lisait verset par verset. C'était ainsi était la lecture du prophète عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ آية آية. Le prophète صلى الله عليه وسلم lisait al-Fatiha verset par verset. فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته. Et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم terminait sa lecture de Fatiha, il disait آمين ويجهر بها ويمد بها صوته. Et le prophète عليه الصلاة والسلام la disait à voix haute et prolongeait. Il ne disait pas آمين. Il disait آمين. Il prolongeait. De prolonger, de faire المد dans آمين, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, après avoir récité la Fatiha, récitait une prière, une autre sourate autre que la Fatiha, et de temps en temps c'était une prière, c'était une sourate longue et parfois courte. Donc parfois c'était une sourate longue et parfois c'était une sourate courte. وكان يجهر وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. Et le prophète عليه الصلاة والسلام récitait à voix haute durant صلاة الصبح pendant les deux premières raka'at de la prière du Maghrib et du l'Isha, et il lisait à voix basse pendant la prière de Dhuha, la prière de l'Asr, la troisième raka'at de la prière du Maghrib et les deux dernières de la prière du l'Isha. وَكَانَ يَجْهَرُ بِهَا أَيْضًا فِي صَلَاتِ الْجُمُعَةِ وَالْعِدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi lisait à voix haute également pendant la prière de Jumu'ah, pendant la prière des deux fêtes, pendant la prière de la pluie et pendant la prière de l'éclipse. Donc la prière de Jumu'ah, de l'Aïdain, du vendredi, des deux fêtes, de la pluie et de l'éclipse, on les décrira, inshallah, par la suite. وَكَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشْرَ آيَةٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux dernières raka'at étaient toujours plus courtes que les deux premières, de moitié. En général, c'était de moitié, le temps de lire une quinzaine de versets. Donc le temps, la durée des deux dernières raka'at est toujours plus courte que la durée des deux premières, de moitié en général, ou le temps de lire 15 versets. وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ. Et de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait de réciter uniquement Al-Fatiha durant les deux dernières raka'at des prières, que ce soit la prière de Dhuhr, de l'Asr ou de l'Isha. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Puis, quand le prophète صلى الله عليه وسلم avait terminé sa lecture, il faisait un silence. Il observait un petit silence. ثم رفع يديه وكبر وركع. Puis il levait ses mains, disait le takbir et faisait son inclinaison. Donc avant de faire un recours, avant de faire l'inclinaison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait un silence. وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبته من ركبتيه كأنه قابض عليهما. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce petit silence après avoir terminé sa lecture, il levait ses mains. كان يرفع يديه وكبر وركع. Il levait ses mains, disait le takbir et faisait l'inclinaison. الله أكبر. نعم. طيب وكان reste en temps de recours. وكان يضع كفيه على ركبتيه. Il posait ses mains sur ses genoux. ويفرج بين أصابعه. Et il écartait ses doigts. ويمكن يديه من ركبته. Et il tenait ses genoux fortement avec ses mains. كأنه قابض عليهما. Comme si il tenait ses genoux. Comme si il les attrapait. وكان يجافي مرفقيه عن جانبيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait ses coudes de ses côtés, du côté de son corps. Donc il ne collait pas ses coudes à son corps. Montre comme il ne faut pas faire avant de montrer comme il faut faire. Non. Non. ويبسط ظهره ويسويه. Et il tendait son dos et le tenait droit. Il tendait son dos et le tenait droit. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. Au point que si l'on versait de l'eau sur son dos, l'eau stagnerait. Là, si on verse de l'eau sur le dos du frère, elle va stagner ou pas? Donc il faut que le dos soit droit. Comme si on met de l'eau, elle tombe pas. Essaye de le faire. Refais le recours comme il le faut. Donc le prophète sallam كان يبسط ظهره ويسويه. Il le tendait et le mettait droit. Non. Les bras doivent pas être tendus. Non. Ils doivent être écartés. طيب. وكان يطمئن في ركوعه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était mutma'in, c'est-à-dire apaisé, ou avait la quiétude dans sa prière. Et ceci, وهذا ركن. Et ceci est un pilier de la prière, de faire sa prière avec apaisement, de faire son recours, son inclinaison en étant apaisé. Cet apaisement, c'est un pilier de la prière. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم disait lorsqu'il était en recours, سبحان ربي العظيم, trois fois. Et dans une autre version, سبحان ربي العظيم وبحمده. وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا. Il disait pendant son inclinaison divers rappels et invocations qu'il disait de temps en temps, comme par exemple سبوح قدوس رب الملائكة والروح, et d'autres versions et d'autres invocations et d'autres adhkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant un recours. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de réciter le Coran pendant le recours, l'inclinaison et pendant le sujoud, la prosternation. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه يعني ظهره من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. Donc ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était en état d'inclinaison, il levait son dos en disant سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ هَذَا الْاَعْتِدَالِ. Et il levait ses mains au moment où il relevait son dos. Non? Donc il levait ses mains au moment où il levait son dos et il disait سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Et quand il était debout, il disait ربنا ولك الحمد. وكان تارة يزيد على ذلك. Et parfois il rajoutait d'autres invocations, comme par exemple حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثم كان يكبر ويهوي ساجدا. Et donc là, lorsqu'il est relevé de recours, vous connaissez tous la divergence des savants. Certains savants disent qu'il doit remettre sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, de faire al-qabd, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et d'autres, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres. Et d'autres savants disent que non, il ne doit pas mettre ses mains, sa main droite, sur, il ne doit pas faire al-qabd, mais il doit laisser ses mains relâché. Pourquoi? Car il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrit chaque fait et geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont jamais parlé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se posait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Or la posture d'un être humain à l'état normal, c'est les mains relâchées. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et l'avis des autres, comme Cheikh Ibn Baz, ils disent que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous, les prophètes, nous avons été ordonnés de laisser pousser nos barbes et de poser nos mains droites sur notre main gauche pendant la prière. Pendant la prière. Et donc, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on a compris que à partir du moment où tu es debout dans la prière, tu dois faire al-qabd, car c'est la sunna des prophètes alayhi salam. Donc ces deux avis, celui qui veut faire le premier, qu'il fasse le premier, celui qui veut faire le deuxième, qu'il fasse le deuxième. Alhamdulillah, chacun a suivi une preuve, a suivi un hadith et a suivi surtout des grands savants de notre religion. Non. Il y en a beaucoup qui ont suivi Cheikh Al-Albani sur ce point. Allahu a'lam, avant lui, je ne sais pas. Non. Quand tu as prié le nuit, et tu restes longtemps debout après le recours, est-ce qu'il y a des indications à Bah après, tu peux utiliser les invocations qui sont apportées dans la sunna. Mil usamawati wa mil uradi wa mil umabainihima, etc. Il y a beaucoup d'invocations qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le fait de se relever de recours. Une personne qui fait la prière de la nuit et qui est amenée à rester longtemps debout après s'être relevé de son inclinaison, il peut faire toutes ces invocations. Non. Profite. Non. Inch'Allah, ça on verra après. Est-ce que Sami Allahu liman hamidah, est-ce que la personne qui prie derrière l'imam doit le dire, ou est-ce qu'elle doit dire seulement Rabbana lak alhamd? Il y a une divergence des savants, mais Inch'Allah, la vie le plus sûr, c'est que la plupart des savants, même la majorité des savants, disent que tu dis Rabbana lak alhamd. Pourquoi? Car le professeur Sami a dit wa idha qala Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana wa lakal hamd. Et lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana ولا تلحن. Le hadith du Prophète est clair. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et l'a suivi après cela, Cheikh al-Albani, rahimahullah, disent que non. Tu dois dire Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana lak al-hamd. Pourquoi? Car le Prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Non. وكان تارة يزيد على ذلك ثم كان يكبر ويهوي ساجدا. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم disait le takbir et faisait sa prosternation et descendait en prosternation. ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. Donc ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le takbir et descendait en se prosternant et poser ses mains sur poser ses mains au sol avant ses genoux. Non. طيب. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما. Et le prophète sallam s'appuyait sur ses mains et les ouvrait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le sujoud avec les mains fermées. Comme un point. Non, il faut que les mains soient ouvertes et posées par terre. Et il serrait ses doigts, il joignait ses doigts et les dirigeait vers la Qibla. Contrairement à Rukou'. Pendant Rukou', on avait dit que les doigts devaient être écartés. Pendant ce jour, les doigts doivent être resserrés et dirigés vers la Qibla. وكان يجعلهما حذو منكبيه واحيانا حذو اذنيه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم de temps en temps il mettait ses mains au niveau de ses épaules et de temps en temps au niveau de ses oreilles. ويمكن انفه وجبهته من الارض. Et le prophète صلى الله عليه وسلم touchait le sol à la fois avec son front et avec son nez. وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. Et le prophète Hassan disait j'ai été ordonné de me prosterner sur sept os. على الجبهة وأشار بيده على أنفه. Le prophète Hassan a dit le front et il a fait un signe avec sa main du nez. Le prophète Hassan a fait un signe avec sa main du nez. واليدين les deux mains. Donc là le front et le nez ça fait 1, les deux mains ça fait 3, les genoux et le bout des pieds, le bout des orteils واطراف القدمين. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين أي الجبهة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas touché la terre avec son nez comme il a touché la terre avec son front. Et les savants ont dit la salata ay la salata maqboula. Les savants ont dit dans ce hadith il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière valide, c'est-à-dire que celui qui fait sa prosternation sur son front uniquement sans que son nez ne touche le sol, sa prière est elle est batila, sa prière est nulle, elle n'est pas valide et il doit la recommencer. Naam. Naam, c'est indéfini de la prière. Naam. Il doit être à la position des pieds lors du roi, lors de la prosternation. La position des pieds. Non, de toute façon, la personne, elle doit être dirigée vers la Qibla. Et lorsque tu dois diriger vers la Qibla, tout ton corps doit être dirigé vers la Qibla. Dans ce cas-là, si une personne elle peut prier les pieds arqués comme ça, dans ce cas-là, elle peut prier la tête tournée. Pourquoi est-ce qu'elle prie en face ? Parce qu'il y a des frères qui sont... Non, bah, les frères qui prient en face comme ça, on leur dit, pourquoi est-ce que tu ne pries pas en regardant à droite ? Ton corps, il est vers la Qibla. Quand on dit qu'une personne doit prier vers la Qibla, c'est-à-dire que son corps entièrement doit être dirigé vers la Qibla. Et c'est pour ça que le Prophète, pendant ce jour, il joignait ses mains et il joignait ses doigts et il dirigeait vers la Qibla. D'accord ? Donc si tu dois diriger tes mains vers la Qibla, tu dois aussi diriger tes pieds vers la Qibla. On verra ça, Inch'Allah, ça c'est les détails. Là, on est en train de faire, de survoler un petit peu la prière. وكان يطمئن في سجوده et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en état de prosternation il devait se prosterner et était apaisé dans sa prosternation et on a dit que l'apaisement c'est un pilier de la prière al-itminan ruknun min arkan as-salah ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا et il disait سبحان ربي الاعلى trois fois وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية. Et il disait plusieurs sortes de rappels et d'invocations. Et il disait temps en temps celle-ci et temps en temps celle-ci. وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. Et le professeur Anselm nous a ordonné d'accentuer et de faire le plus d'efforts possible dans les invocations pendant ce pilier de la prosternation. Et il dit أَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ. La personne est la plus proche de son Seigneur lorsqu'elle est en prosternation. ثُمَ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم levait sa tête en disant le takbir. Allahu Akbar. Non. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. Il allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. نعم. مطمئنا, c'est-à-dire en étant apaisé toujours. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dressait son pied droit et dirigeait les orteils de son pied droit vers la Qibla. وكان يقول, et il disait durant cette posture, اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. Puis il disait le takbir, il disait Allahu Akbar et faisait la deuxième prosternation exactement comme la première. ثم يرفع رأسه مكبرا. Donc ensuite il levait sa tête de la deuxième prosternation en disant Allahu Akbar. Il relevait sa tête en disant Allahu Akbar. نعم. Donc après la deuxième prosternation, il relevait sa tête et disait Allahu Akbar. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا. Et il s'asseyait toujours sur son pied droit. Sur son pied gauche, afin. حتى يرجع كل عظم الى موضعه. Jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Jusqu'à ce que chaque os prenne sa place. ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. Puis il se levait en s'appuyant sur le sol vers la deuxième rak'at. Donc autrement dit, cette posture c'est ce que les savants appellent la posture du repos, jalsat al-istiraha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait en s'appuyant en s'appuyant de ses mains sur le sol et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna c'est quand on se relève de se relever en s'appuyant sur le sol et ne pas faire comme certains qui disent non moi j'ai pas besoin de m'appuyer sur le sol, alhamdulillah je me lève facilement, j'ai pas besoin de m'appuyer. Akhi le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ya'tamid. Non, akhi l'akhi l'arrajih c'est qu'il ya'tamid. Arrajih anahu ya'tamid, de même qu'il y a un khilaf sur le jasad istiraha. Les savants ont dit que jasad istiraha c'est uniquement lorsque la personne elle est fatiguée et qu'elle a besoin de cette jalsa. Mais l'avis le plus sûr, inshallah, et on verra de toute façon les détails après, c'est que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc plus tu ressembleras au prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus tu prieras comme il a prié. وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. Et le prophète عليه الصلاة والسلام faisait durant la deuxième raka'a comme il faisait durant la première, si ce n'est la durée. Si ce n'est la durée, la deuxième raka'a était plus courte que la première. Non. Quand il se relève, il se relève sur ce point ou sur ce... On verra les détails. Après, il se relève sur le fait de se relever en s'appuyant sur les mains. Certains savants ont dit en s'appuyant sur les mains ouvertes. D'autres savants ont dit de s'appuyer sur les mains en les fermant, c'est-à-dire sur les poings. Et là, il y a un khilaf des savants. Le khilaf, la divergence, elle a lieu sur un hadith, sur une version. Certains savants l'ont rendu faible, d'autres l'ont rendu authentique. Inch'Allah, on verra les détails de cela par la suite. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم, après avoir terminé la deuxième rak'at, il s'asseyait pour le tashahhud. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. Et lorsque la prière était de deux rak'at, كان يجلس مفترشا. Il s'asseyait en faisant l'iftirash. Qu'est-ce que l'iftirash? Non. L'iftirash, c'est ce que le frère a montré. Non, montre-le. Comme tout à l'heure, comme tu as fait tout à l'heure. Non. هذا الافتراش. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين. Comme il s'asseyait entre les deux sujoud. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الرباعية ومن الثلاثية والرباعية. Et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait de même durant le premier tashahhud des prières de trois rak'at et de quatre, comme le maghrib et l'isha. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il était assis durant le tashahhud, il posait sa main droite sur sa cuisse droite, posait sa main gauche sur sa cuisse gauche, وكان يبسط اليسرى, et il ouvrait sa main gauche, ويقبض اليمنى, et fermait sa main droite. Donc il ouvrait sa main gauche et fermait sa main droite. Il fermait sa main droite. وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَ وَيُرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا. Et il sortait son index, faisait un signe de son index, tendait son index et regardait celui-ci. Le Prophète jetait son regard vers cet index. وكان إذا رفع أصبعه يحركها ويدعو بها. Et lorsqu'il tendait son index, il le bougeait et faisait des invocations. Et le prophète عليه الصلاة والسلام disait لا هي أشد على الشيطان من الحديد أي السبابة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'elle est plus dure pour le diable que le fer, c'est-à-dire l'index. Que l'index, lorsque tu le bouges, il est plus douloureux et plus dur envers le diable qu'une barre de fer, que le fer. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. Et après chaque deux rak'at, le prophète صلى الله عليه وسلم faisait التحية. وكان يصلي على نفسه. Donc التحية, c'est de dire التحية لله, نعم, etc. وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. Et le prophète صلى الله عليه وسلم priait sur lui-même. Le prophète صلى الله عليه وسلم disait أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Et il disait اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, même durant son vivant, il faisait la prière sur lui-même. Et il a légiféré cela à sa communauté. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait des invocations. Et ici, l'auteur parle des invocations avant le taslim. Car là, il parle de tashahhud. Après avoir terminé tahiyya et de faire la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم, l'auteur dit que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait après des invocations diverses que l'on verra inshallah, c'est-à-dire avant le taslim. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il faisait le taslim durant la prière, il disait en tournant sa tête à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah, et en tournant sa tête à gauche, il disait assalamu alaykum wa rahmatullah. Il disait la même chose. Et de temps en temps, il rajoutait wa barakatuhu lorsqu'il tournait à droite, lors du premier taslim. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Où? Non. Donc ça c'est ce que l'auteur a cité à titre d'exemple pour résumer, mais il y a deux autres façons de faire le taslim, car il y a quatre façons rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le taslim. La première, qui est la plus courante, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent, c'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Et la deuxième, c'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu à droite, assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. La troisième, c'est de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et de dire assalamu alaykum à gauche. Et la quatrième, de dire assalamu alaykum uniquement à droite. Ce sont les quatre façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, non. Pour le taslim, pour que soit toujours dirigé vers la qibla ou pour... Allahu a'lam. Yani l'index doit le bouger tant que tu fais le tashahhud et les invocations. Quand tu as fini, après, théoriquement, tu n'as plus à le faire. Allahu a'lam. Non. Au niveau de la manière de bouger l'index, est-ce qu'il y a des textes qui disent comment le bouger, si c'est de haut en bas, ou si on a des phrases, en fait, c'est de haut en bas. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit que l'index doit être bougé de haut en bas sans ne sortir de la direction de la Qibla, car comme on a dit, une personne qui se dirige vers la Qibla, tous ses membres doivent être dirigés vers la Qibla. Donc tu ne dois pas lever ton doigt haut de telle sorte qu'il sort de la direction de la Qibla, ni trop bas vers le sol. Il doit être entre les deux et toujours dirigé vers la Qibla. Quant à faire un cercle, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'imam est dans une direction, et ceux qui sont derrière sont dans une autre direction. Pourquoi? Parce que. Ben non. C'est pas normal. C'est pas normal que l'imam est pris vers une direction et que toi tu es pris vers une direction. Parce que la mosquée elle est construite dans une direction, et qu'après ils ont remarqué que la direction était un peu décalée. L'imam il fait correctement après la prière, mais que les autres ils gardent la position qu'il y a anciennement de la mosquée. Après, ces questions elles ont été posées aux savants sur les mosquées qui sont, dont l'architecture n'est pas correcte au niveau de la prière. Et les savants, c'est du cas par cas. Tout dépend de l'architecture de la mosquée. Et il y a des personnes qui ont posé des questions aux savants concernant les mosquées. Si on prie de telle façon, la mosquée peut contenir par exemple 100 personnes. Mais si on se décale un petit peu de la Qibla, la mosquée peut en contenir 150 ou 200. Et en fonction de la direction que tu prends, la mosquée prend plus ou moins de personnes. Et là, le savant dit que c'est du cas par cas. Et ça, c'est une question qui peut être posée à un savant en fonction de la mosquée, de l'architecture de la mosquée, en fonction des besoins. Ça peut être une darura, ça peut être une haja. Et dans ce cas-là, il y a le hadith du professeur Hassan qui s'applique ma bayna al-mashriqi wa al-maghribi qibla. Quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de nécessité, la personne doit se diriger vers la qibla. Mais dans des mosquées où il y a des problèmes d'architecture et où les personnes ont besoin de prier dedans, et que parfois, dans des cas exceptionnels ou dans des cas de grande nécessité, ils ont besoin de se diriger, de se dévier un petit peu de la qibla, les savants disent que cela entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Wallahu a'lam. On intafi bi hadha al-qadr, wa subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.